Suivre la vibration de l'esprit. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Pour suivre la vibration de l'esprit, il faut, au préalable, que l'individu ait une conscience vibratoire lui permettant de la capter, car il ne peut pas agir en fonction de ce qu'il ne perçoit pas. Pour développer ce type de conscience, il doit auparavant vivre la fusion avec l'esprit qui rend possible sa perception. Ainsi, suivre la vibration nécessite pour l'individu d'agir en fonction d'une direction dans son existence qui provient de l'esprit et qui l'intercepte. Comme un signal radio, de par sa conscience vibratoire, le lien à lui. Suivre la vibration exige que l'individu se détache des influences de la collectivité sur sa vie pour en venir à vivre en fonction de son esprit qui va l'amener à s'individualiser. Suivre la vibration fait en sorte que l'individu prend un recul par rapport au temps de la société pour qu'il puisse vivre à son rythme individuel qu'il capte vibratoirement et ainsi entrer dans le temps de son esprit. Suivre la vibration demande à l'ego d'accepter que ce ne soit pas lui qui dirige sa vie, car c'est l'esprit qui a réellement cette fonction dans son existence. Tant qu'il n'est pas totalement fusionné avec lui, il va avoir de la résistance à agir en fonction de lui, étant donné qu'il ne l'aura pas totalement intégré dans son existence et que sa conscience va diverger de lui, car elle va présenter alors un taux vibratoire qui n'est pas pareil. Suivre la vibration exige à l'ego de s'harmoniser avec l'esprit pour agir en conséquence en parole et en action dans son quotidien. L'intégration réelle d'un mode de vie en lien avec la vibration nécessite un engagement de sa part en ce sens dans son vécu. En suivant la vibration, l'individu peut être amené à être actif ou passif selon les commandes qu'il reçoit de son esprit qui fluctue dans le temps. Il peut être mis en vibration à un moment dans sa vie pour aller rencontrer une personne et à un autre pour mettre fin à la relation avec cette dernière. La vibration n'engendre pas de comportement statique, mais dynamique, qui varie dans le temps. Les mises en vibration faites par l'esprit servent toujours à faire évoluer les gens concernés par elles. Le but de l'esprit est de rehausser le taux vibratoire de l'individu, vivant un processus de conscientisation pour qu'il puisse, de plus en plus, intégrer sa vibration et ainsi de lui permettre de vivre à travers lui pour œuvrer dans la matière et l'habiter. Suivre la vibration permet à l'individu d'arrêter de fonctionner par réflexion. Plus l'individu apprend à suivre une vibration et moins il dépense de son énergie avec des processus réflexifs. Donc, cela permet à la personne de faire une meilleure gestion de son énergie. Suivre la vibration permet de garder l'individu dans un état de vide mental plutôt que dans un esprit de calcul. Cela l'amène à accepter qu'ils doivent agir en fonction d'une intelligence qui s'avère au-delà de la sienne sur le plan réflectif, mais qui est sienne sur le plan vibratoire. Suivre une vibration équivaut à fonctionner dans le vide de forme, soit sans le support de mémoire pour permettre à l'individu d'être libre du connu et de faire des choses nouvelles et créatives. Suivre une vibration fait en sorte que l'individu ne s'appuie pas sur des modèles ou des enseignements du passé pour vivre sa vie. En agissant de manière à suivre une vibration, cela revient à ce que l'ego accepte qu'il ne contrôle pas sa vie et qu'il ne dispose pas de libre arbitre. Suivre une vibration revient à ce que l'ego assume l'existence de l'esprit et devrait en harmonie avec lui dans sa vie. Suivre une vibration, c'est de s'assumer en tant qu'être vibratoire. Merci de votre écoute. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui s'intitule « Suivre la vibration de l'esprit ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement audio. Au revoir.